Section 41 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 10. L'Italie. Républiques et tyrannies. 1268-1492. Première partie. Jusqu'à la mort de Henri VII. 1313. Par Pietro Orsi. État politique de l'Italie en 1268. Les cités et les princes. Aucune époque de l'histoire ne montre l'Italie dominée par une aussi grande variété de gouvernements que la dernière moitié du XIIIe siècle. Pendant que la monarchie absolue de Charles d'Anjou s'établissait dans l'Italie méridionale et que la théocratie gouvernait les terres romaines, la Toscane était partagée en république. Dans la vaste plaine lombardo-vénitienne apparaissaient les premiers tyrans, tandis que les institutions féodales restaient en pleine vigueur dans la région piémontaise. Dans celle-ci, les institutions municipales n'avaient pu prendre de fortes racines, soit que les populations y fussent indifférentes aux agitations de la liberté, soit que les feudataires y fussent trop puissants. Hormis Chieri et Asti, les autres villes du Piémont n'eurent jamais une indépendance pleine et absolue. D'ailleurs, les plus grands feudataires piémontais avaient su éviter toute lutte acharnée contre la bourgeoisie naissante. Ils avaient même eu l'habilité de tirer un avantage de cette force nouvelle qui se révélait au monde, aidant à l'affranchissement des villes qui se trouvaient sous la dépendance des plus petits feudataires, afin de les assujettir directement tout en leur accordant une large autonomie administrative. Et ainsi, ils avaient pu non seulement se maintenir durant la grande époque des villes libres, mais changer peu à peu leurs domaines féodaux en véritables états. Parmi les familles des feudataires piémontais, les trois plus puissantes étaient, à cette époque, celle des comtes de Savoie, qui à la fin du XIIIe siècle se divisa en deux branches, une d'elles gouverna la Savoie, tandis que l'autre tint les terres du Piémont avec le titre de prince d'Achaïe. Les marquis de Montferrat, de la dynastie des Aleramici, qui s'étaient illustrés dans les croisades et dont la cour était renommée pour son luxe et célébrée par les chansons des troubadours. Les marquis des Saluce, qui dominaient au pied du mont Viso, mais qui ne furent jamais bien puissants à cause des fréquents partages entre les branches de la famille. Ces trois maisons étaient souvent en lutte entre elles. Leur petite guerre continuelle appauvrissait encore le Piémont, déjà si peu favorisé sous le rapport du commerce et de l'industrie. Aussi, le pays n'avait-il, pour ainsi dire, pas de vie artistique et littéraire. Les conditions étaient meilleures dans la région lombardo-vénitienne. Dans presque toutes les villes, les institutions municipales avaient pris le dessus. Mais si le régime communal avait constitué un progrès sur le régime féodal, il est déjà, au XIIIe siècle, en décadence. Ces républiques consumaient la meilleure part de leur énergie dans les luttes intestines et les guerres de ville à ville. La grande majorité des habitants, adonnés au commerce, à l'industrie et à la banque, se fatiguaient de ces luttes continuelles et désiraient le repos. Étrangères aux fureurs des anciennes factions, elle éprouvait chaque jour davantage le besoin d'un gouvernement fixe et durable, et au lieu de querelles journalières entre guelfes et gibelins, entre nobles et peuples, elle appelait de ses vœux le pouvoir d'un homme qui, après tant de calamités, garantit la paix, fut au-dessus de tous les partis, remit l'ordre dans la cité, et gouverna tous les citoyens sous une seule loi. Telles étaient les aspirations de cette classe moyenne, qui avait pris alors tant de développement et d'importance. Ceux qui, à cette époque, se trouvèrent à la tête du gouvernement dans les villes, surent en profiter. Les fonctions de podestat et de capitaine du peuple étaient en général données aux grands, et ceux-ci, habitués au commandement et désireux de le retenir, saisissaient les occasions que leur présentaient les crises de la vie publique pour se faire acclamer seigneur par le peuple et pour usurper le pouvoir absolu. De là, l'établissement de la tyrannie. Cette transformation dans le gouvernement des villes italiennes eut lieu précisément au XIIIe siècle. Et de même que l'on avait vu autrefois surgir de tous côtés les villes libres, on voit partout, à cette époque, des familles qui s'emparent du pouvoir et organisent de petites monarchies. Quelques-unes de ces monarchies furent de courte durée, comme celle d'Ezzelino di Romano, Il avait réussi à dominer les principales villes vénitiennes sur lesquelles il faisait peser le joug le plus dur. Il avait espéré aussi soumettre Milan, mais au pont de Cassano, 1259, il fut vaincu, blessé et fait prisonnier. Il refusa toute nourriture, déchira les appareils posés sur ses blessures et mourut en peu de jours. L'année suivante, son frère, Albéric, fut écartelé, après avoir vu ses fils égorgés, sa femme et ses filles brûlées vives. La chute d'Ezzelino conseilla la prudence aux autres tyrans et contribua indirectement à assurer le triomphe du nouvel ordre de choses. À Milan, la famille guelfe della Torre, les Torreani, avait dirigé la lutte contre Ezzelino, qui représentait le parti gibelin. On comprend qu'après la victoire, elle est, peu à peu, réussi à s'emparer du pouvoir. Un autre chef qui avait pris part à cette guerre, Oberto Peravicini, cherchait à se faire tyran de plaisance, mais il échoua. Au contraire, la famille della Scala réussit à Vérone. La puissance des Estes se consolidait à Ferrare. Tout cela pendant que d'autres cités conservaient le gouvernement municipal. En Toscane, l'indépendance des villes s'était développée plus tard qu'en Lombardie. Et c'est précisément à l'époque dont nous nous occupons que le régime municipal y atteint son apogée. Le plus puissant parmi les municipes toscans était celui de Florence, la splendide cité que baignait l'Arno au pied de l'ancienne Fiesole. Dans ses murs, quelle terrible lutte avait sévi entre guelfes et gibelins. Le triomphe de Charles d'Anjou fit décidément passer le pouvoir aux mains des guelfes. À l'approche d'un corps de cavalerie qu'il y envoya, les gibelins, ne se sentant pas en force, quittèrent la ville. 1267, et Florence se mit sous le protectorat du prince français. Puissance de Charles d'Anjou. La victoire de Bénévent et la mort de Manfred, 1266, avaient donné aux frères de Saint-Louis le royaume de Sicile et de Naples. La bataille de Tagliacozzo et le supplice de Conradin, 1268, assurèrent la conquête. Charles d'Anjou pouvait ainsi donner un libre cours à ses desseins ambitieux, d'autant plus facile à réaliser qu'il n'y avait plus d'empereur. Sénateur à Rome, protecteur des villes guelfes au centre et au nord de la péninsule, maître de plusieurs terres en Piémont, il conçut le projet de régner sur toute l'Italie et de réaliser ainsi le rêve de ses Hohenstaufen contre lesquels les papes l'avaient appelé. Durant quelques années, sa puissance fut grande. Il était devenu l'arbitre souverain de l'Italie, d'autant plus qu'après la mort de Clément IV, 1268, le siège pontifical resta vacant pendant 3 années. Il n'y avait plus ni pape ni empereur. La fortune de Langevin était à son apogée. C'est lui qui fit dévier sur Tunis la 8e croisade. Mais dès son retour en Italie, les choses changèrent brusquement de face. Le nouveau pape, Grégoire X, dans le but de réunir toutes les forces de la chrétienté pour une nouvelle croisade, entreprit de calmer les passions, de désarmer les rois et les partis. D'abord, il décida les Allemands à s'accorder pour l'élection de Rodolphe de Habsbourg, 1273. L'avènement d'un empereur enlevait à Charles tout prétexte d'intervenir dans les affaires de la Haute-Italie. Peu de temps après, les villes piémontaises qui lui étaient soumises furent jetées dans la révolte par les vexations de ses lieutenants. Plus tard, le pape Nicolas III, de la famille Orsini, le contraignit à résigner la charge de sénateur de Rome et à retirer ses troupes de la Toscane. Les papes avaient compris de quel danger les menaçait la trop grande puissance de Charles. Dans ce prince français, fier, sombre et taciturne, reparaissait le fantôme abhorré de ce royaume d'Italie qu'il croyait avoir enterré pour toujours avec les derniers Hohenstaufen. De son côté, Charles comprenait que pour réussir dans ses ambitions, il avait besoin de l'amitié des papes. Dans le conclave qui eut lieu à la mort de Nicolas III, il réussit à faire élire un Français qui lui était tout dévoué, Martin IV, 1281. Il reprit alors la charge sénatoriale à Rome et, avec l'appui du pape et des Vénitiens, prépara la grande entreprise contre Byzance. On a vu que Michel VIII, paléologue, repoussa une première attaque. Cependant, la grande flotte angevine était prête à cingler quand éclata le tocsin des vêpres siciliennes. Les vêpres siciliennes. Charles n'était pas un bon roi. Cruel et avare, il ne cherchait point à se faire aimer. Les vexations et les rigueurs de son gouvernement avaient commencé à soulever les esprits, surtout dans la Sicile, qui avait été si dévouée aux Hohenstaufen. Charles n'avait aucun égard aux lois, aux privilèges, aux mœurs du pays. Jamais il n'avait convoqué les parlements. Palerme, qui avait été la capitale du royaume sous les Normands et les Hohenstaufen, avait vu le siège du gouvernement transféré à Naples. À tous ces motifs de mécontentement se joignit encore le poids des impôts. Les agents du roi sentaient l'opposition dans les paroles et la devinaient dans le regard des Siciliens. Ils s'en irritèrent et redoublèrent de violence et d'arbitraire. Les haines réciproques devenaient chaque jour plus vives et un âpre désir de vengeance couvait dans le cœur des Siciliens. Un incident combla la mesure. Le 31 mars 1282, à l'heure où le son des cloches appelait les fidèles aux vêpres, Palerme se soulève contre les Français et, dans la journée, les massacre jusqu'au dernier. La révolution se propage rapidement et dans l'espace d'un mois, la Sicile entière s'est affranchie. Dans la nuit même de l'insurrection, Palerme avait décidé de former un gouvernement libre sous la protection de l'Église. Son exemple fut suivi par toutes les terres de la Sicile. Mais le pape refusa l'offre des rebelles et les excommunia. Charles d'Anjou, jurant de tirer une vengeance éclatante, tourna toutes ses forces contre la Sicile et vint assiéger Messine. Dans ce péril suprême, les Siciliens appelèrent à leur secours Pierre III, roi d'Aragon, qui avait épousé Constance, fille de Manfred. La révolution de 1282 fut ainsi l'origine d'une longue guerre entre les Aragonais et les Anjous. Pierre III d'Aragon avait sous ses ordres le célèbre amiral calabrais Roger de Lauria. Celui-ci fit lever le siège de Messine, bâtit la flotte ennemie devant Catone en Calabre, lui prit 29 galères, coula ou brûla les autres. Charles d'Anjou assista du rivage à cette ruine de toutes ses espérances, rongeant le bâton de commandement qu'il tenait à la main. Puis, le 5 juin 1284, dans un combat livré dans la baie même de Naples, Roger de Lauria battit le fils de Charles d'Anjou et le fit prisonnier avec l'élite des barons. En 1285, les deux rois compétiteurs moururent. Charles d'Anjou eut pour successeur Charles le Boiteux, Pierre III laissa l'Aragon à son fils aîné Alphonse, ses états italiens à son puîné James, mais la lutte continua, acharnée, et de plus en plus compliquée par l'intervention de la France et du pape en faveur de la maison d'Anjou. En 1294, James d'Aragon, fatigué de cette lutte et qui venait, 1291, d'hériter de l'Aragon, promit de remettre dans l'espace de 3 ans la Sicile au pape. Charles le Boiteux restait en possession des états continentaux, mais les Siciliens, indignés de cette trahison, déclarèrent James déchu du trône et acclamèrent roi son frère Frédéric, qui gouvernait déjà l'île en son nom. La guerre se ralluma plus vive que jamais. Le pape Boniface VIII appela de France contre les Siciliens, par de magnifiques promesses, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Mais Charles ne réussit pas à vaincre et finit par signer, en 1302, la paix de Caltabellotta, par laquelle il reconnaissait roi de la Sicile, Frédéric d'Aragon. L'année suivante, le pape dut, malgré lui, accepter cette paix. Mais il prétendit que Frédéric porta le titre de roi de Trinacrie pour laisser aux Anjous de Naples le titre de roi de Sicile. Désormais, Naples et la Sicile formèrent 2 royaumes séparés et mêmes ennemis qui continuèrent à se combattre toutes les fois que l'occasion s'en présentait. Les républiques maritimes. L'activité des Italiens de cette époque se consumait en lutte fratricide. Nous en trouvons un autre exemple mémorable dans les 3 républiques de Venise, de Gênes et de Pise. À l'époque des croisades, elles étaient devenues prospères et puissantes en s'emparant du commerce de l'Orient avec l'Occident. Mais leur ardente jalousie dura ensuite des siècles. En 1261, les Génois aidèrent les paléologues à détruire l'Empire latin de Constantinople que les Vénitiens avaient tant contribué à fonder. Venise en conçut une inimitié nouvelle contre sa rivale. On se battit à plusieurs reprises. L'action la plus mémorable fut celle de Curzola dans l'Adriatique, 1298, où les Génois remportèrent une pleine victoire. André d'Andolo, qui commandait la flotte vénitienne, ne pouvant supporter la honte d'une défaite, se tua. Parmi les Vénitiens qui furent alors faits prisonniers se trouvait Marco Polo, le fameux voyageur. La victoire la plus importante pour Gênes, car elle fut décisive, fut celle que sa flotte remporta sur celle de Pise, près de la Meloria, en face du littoral toscan, 1284. Les Génois prirent 11 000 Pisans. En Toscane, on disait que si l'on voulait voir Pise, c'était à Gênes qu'il fallait aller. Jamais les Pisans ne purent se relever de ce désastre. Par la paix de 1299, ils durent céder une partie de la Sardaigne, le territoire de Bonifacio, en Corse, et s'obliger à ne plus avoir sur mer, pendant 15 ans, de navires de guerre. La même année, par la médiation de Matteo Visconti, nouveau seigneur de Milan, car dans cette ville les Toriani avaient été vaincus et chassés par les Visconti, Gênes fit aussi la paix avec Venise. Pendant que Gênes obtenait de tels succès sur les républiques rivales, elle était, chez elle, déchirée par les factions. Les familles Fieschi, Doria, Grimaldi, Spinola s'y disputaient le pouvoir. Le peuple et la noblesse étaient en lutte. Aussitôt qu'une guerre extérieure était terminée, les querelles intestines renaissaient, sans que jamais aucune des factions pût parvenir à conserver définitivement le pouvoir. Une révolution bien plus importante survint à Pise. Les villes guelfes de la Toscane profitèrent du désastre de la Meloria pour attaquer Pise du côté de la terre. Elle lui en voulait d'avoir toujours soutenu le parti gibelin. Pressée de toutes parts, Pise nomma capitaine du peuple pour 10 ans le comte Ugolin de la Gherardesca. Celui-ci résolut de faire la paix, à quelque prix que ce fût, avec l'ennemi du dehors, afin d'abattre dans la ville tout ce qui pouvait lui faire ombrage et s'emparer de la seigneurie. Il acheta la paix aux guelfes toscans à de très lourdes conditions, renonçant à une partie du territoire, puis il se mit à détruire les plus illustres familles de Pise. Mais l'archevêque Roger, des Ubaldini, aidé par les familles des Gualandi, des Lanfranchi et des Sismondi, réussit à prendre Ugolin avec 2 de ses fils et 2 neveux. Il les fit renfermer dans une tour où ils périrent de faim, 1288. Cet événement inspira à Dante un des épisodes les plus dramatiques de la Divine Comédie. Les libertés municipales furent rétablies. La politique de Venise nous offre un autre spectacle. Depuis quelque temps, l'aristocratie vénitienne, avec une constance et une habileté remarquables, s'appliquait à enlever sans cesse quelques prérogatives à son doge et à exclure le peuple du pouvoir souverain. Elle y réussit. L'autorité du doge fut successivement diminuée par la Promissione Ducale, grâce à laquelle, à chaque élection, les devoirs de ce magistrat augmentaient et ses droits diminuaient, et par l'institution de plusieurs conseils qui devaient l'assister et le surveiller. D'autre part, pour réduire le pouvoir du peuple, dès 1172, l'élection du doge fut soustraite à l'Assemblée populaire et dévolue au Grand Conseil, qui se composait de 480 membres renouvelables chaque année. Les intrigues des familles nobles pour arriver à la charge suprême firent imaginer, dans le cours du XIIIe siècle, une série de combinaisons pour l'élection du doge, dans lesquelles le sort et le choix tenaient une part égale. Le Grand Conseil prit une grande importance, car non seulement il nommait le doge, mais il distribuait tous les emplois et préparait les lois. Il finit par représenter la suprême autorité législative de la République. Au début, tous les citoyens pouvaient être élus membres du Grand Conseil. Mais, sous le gouvernement du doge Pierre Gradedigo, on détermina les conditions qu'il fallait remplir pour y être admis. C'est ce qu'on a appelé la fermeture du Grand Conseil. Serrata del Maggior Consiglio, 1297. Peu à peu, le droit d'y siéger fut limité aux familles qui avaient jusqu'alors composé. Ainsi s'organisa le gouvernement aristocratique de Venise. Cette transformation ne s'effectua pas sans opposition. Parmi les complots, le plus célèbre fut celui qui eut pour chef Bajamonte Tiepolo en 1310. Cela ne fit que donner un prétexte à l'aristocratie triomphante pour instituer le fameux tribunal dit Conseil des 10. Il fut à l'origine déclaré provisoire, puis il devint une institution permanente ait eu pour mission de surveiller la conduite politique de tous les citoyens. Florence, les Blancs et les Noirs. Dans le même temps qu'à Venise le gouvernement oligarchique se constituait, l'esprit démocratique l'emportait de plus en plus à Florence. Par le développement du commerce et de l'industrie, il s'était formé dans cette ville une nombreuse et riche bourgeoisie dont l'influence augmentait de jour en jour. Elle ne tarda pas à vouloir prendre part au gouvernement de la République et, en 1282, réussit à faire adopter une nouvelle institution des priori qui devait être choisie parmi les différentes corporations des arts et dont la charge durait 2 mois. C'était certainement un pas vers la démocratie. Mais il faut noter que ces membres du gouvernement étaient tirés exclusivement des arts majeurs. Les plébéiens en restaient exclus. Dès lors, pendant quelque temps, la République florentine fut assez tranquille. Elle put établir sa suprématie sur la Toscane, profitant de la décadence de Pise, terrassée par Gênes. Elle remporta alors sur les Gibelins d'Arezzo la victoire de Campaldino. Mais les nobles de Florence ne pouvaient se résigner à être gouvernés par la bourgeoisie. Ils se faisaient inscrire dans les corporations afin de se glisser de nouveau au pouvoir et reprendre leurs anciennes prépondérances. Cette pratique pouvait devenir un danger pour la liberté. Les nobles, soutenus par leur consorterie, ne tardèrent pas à redevenir fiers et arrogants. Alors, sur l'initiative de Giano della Bella, furent approuvées les ordonnances de la justice, 1293-94, qui excluaient les nobles du priorat et infligeaient des peines sévères à tout acte de violence commis envers un bourgeois. Pour l'exécution de ces ordonnances, on institua un gonfalonier de justice, investi du droit de faire sonner la cloche pour assembler le peuple. Celui-ci fut organisé en garde civique. Les nobles réussirent à soulever le peuple lui-même contre Giano, qui partit de Florence et s'exila volontairement en France, où il mourut. Cependant, parmi les troubles et les révolutions, se faisait jour tout le travail d'une civilisation renaissante. La ville s'agrandissait et s'embellissait, les arts prospéraient. En 1298, on commençait Santa Maria del Fiore, et l'année suivante, le palais de la Seigneurie, œuvre due au génie d'Arnolfo de Cambio. À côté de lui travaillaient Cimabue et Giotto. Dante Alighieri commençait à se faire connaître parmi ses concitoyens. Quelles années splendides pour Florence que celles qui virent son commerce prendre l'essor et les princes d'Europe solliciter des emprunts chez ses banquiers. Éblouis de leur prospérité croissante, les Florentins s'imaginèrent que la population de la ville, très nombreuse déjà, devait s'accroître encore. Ils firent élever une nouvelle enceinte de murs qui ne prit fin qu'en 1327 et fut 4 fois plus grande que la précédente. Florence pressentait son avenir comme la capitale intellectuelle de l'Italie et l'initiatrice de l'Europe entière. La lutte des factions continuait. À cette époque s'introduisirent dans Florence les dénominations nouvelles de blancs et de noirs venues de la ville voisine de Pistoia. La famille des Cerchi, enrichie par le commerce, étaient à la tête des Blancs, qu'on pourrait regarder comme des gibelins modérés. Les Noirs, guelfes intransigeants, se réunissaient autour du patricien Corso Donati. On se battit de nouveau dans les rues et sur les ponts de Florence. Les Noirs s'adressèrent au pape Boniface VIII, qui entretenait des intelligences à Florence dans le but secret de faire de la Toscane une province de l'Église. Boniface envoya à Florence, avec le titre de pacificateur, ce Charles de Valois, qu'il avait appelé en Italie pour les affaires de Sicile, sous la condition tacite qu'il s'efforcerait de mettre le pouvoir aux mains des Noirs. Charles de Valois entra à Florence en novembre 1301. Avec son appui, les Noirs vainquirent les Blancs, qui furent en grande partie exilés. On détruisit leurs tours, leurs palais, leurs maisons. On confisqua une bonne partie de leurs biens. Parmi ces exilés fut Dante Alighieri, qui devait plus tard épancher toute l'amertume de son cœur contre Boniface VIII. Rome, Boniface VIII est le jubilé de 1300. Il y avait plus de 6 ans que l'État pontifical était gouverné par Boniface VIII, qui avait succédé à Célestin V en décembre 1294. Il travailla d'abord à raffermir son autorité sur Rome. rencontrant une vive opposition dans la puissante famille des Colonnes, il destitua du cardinalat deux membres de cette famille, prêcha contre elle une croisade, la dépouilla de ses domaines, détruisit Palestrina, sa principale forteresse, 1298. Ses ambitions ne se bornaient pas aux territoires romains et toscans, ni à la domination sur l'Italie méridionale et la Sicile. Le spectacle merveilleux de la multitude immense qui a couru à Rome à l'occasion du jubilé de 1300 dut lui inspirer une idée prodigieuse de son pouvoir. Quand il ordonnait à Giotto de peindre cette fresque, qu'on peut voir encore aujourd'hui dans l'église du Latran, dans laquelle le vieux pape est représenté au moment où il annonce le jubilé, Boniface devait sentir dans son altière nature cette superbe énergie qui le soutint dans sa lutte contre Philippe le Bel. À ses yeux, tout devait se courber sous l'autorité des papes. Au contraire, c'est précisément alors que tomba leur pouvoir politique. Par la translation du siège pontifical à Avignon, ils se mirent sous la dépendance des rois de France, tandis qu'ils perdaient presque entièrement leur domaine d'Italie. Descente de l'empereur Henri VII. La décadence du prestige impérial avait précédé celle du prestige pontifical. Le Moyen-Âge avait eu les yeux fixés sur ces deux institutions. Double pilier de cette société, elles disparaissaient ensemble, marquant ainsi le terme d'une époque et la naissance d'un monde nouveau. Le dernier essai de quelque importance pour rétablir en Italie l'autorité impériale fut tenté par Henri VII de Luxembourg, élu empereur en 1308. Sincèrement persuadé de la sainteté de sa mission, animé d'un zèle ardent dans l'accomplissement de ce qu'il regardait comme son devoir, Henri descendit en Italie vers la fin de 1310, s'annonçant comme le pacificateur universel. Traversant le Piémont, il entra à Milan, où il ceignit en grande solennité la couronne de fer. Tous les seigneurs des pays où il passait se rassemblaient volontiers sous son drapeau. Partout, il rétablissait l'union, faisait rentrer les proscrits dans leur patrie. À Milan, où dominait alors Guido della Torre, rentré depuis peu dans la ville, l'empereur rappela son rival Matteo Visconti. Cette soumission si universelle et si prompte tenait à l'enthousiasme que les qualités personnelles de Henri avaient inspiré. Mais les enthousiasmes passent et les intérêts politiques restent. Des troubles éclatèrent à Milan. Les Toriani furent chassés. Matteo Visconti obtint la seigneurie de la ville et le titre de vicaire impérial. Les factions se réveillèrent de nouveau. L'empereur dut livrer bataille contre Crémone et Brescia. Il se rendit à Gênes et de là, par mer, à Pise, la ville qui avait tant souffert pour la cause impériale. Passant par les Maremmes, il se dirigea vers Rome. Il y arriva en mai 1312. Il ne put y entrer sans combattre, car le parti guelfe s'était renforcé des troupes envoyées par Robert d'Anjou, roi de Naples. Désespérant de soumettre toute la ville, Henri se contenta de recevoir la couronne impériale à Saint-Jean de Latran, car la basilique de Saint-Pierre, avec la moitié de Rome, était occupé par ses ennemis. Ensuite, presque en fugitif, il sortit de Rome et alla mettre le siège devant Florence, devenu le centre du parti guelfe et qui s'était donné pour 5 ans à Robert de Naples. La faim et les maladies affaiblirent bientôt son armée, qui dut se replier sur Pise. Durant l'hiver qui suivit, Henri fit rassembler de nouvelles forces en Allemagne, s'allia à Frédéric de Sicile et, d'accord avec lui, se prépara à combattre Robert de Naples. Comme les opérations militaires allaient commencer, il mourut, 24 août 1313, dans l'abbaye de Buonconvento, en Toscane. Avec lui mourait aussi la vieille idée impériale qui eut précisément alors, comme cela arrive très souvent pour les institutions, sa plus splendide interprétation dans l'ouvrage de Dante, De Monarchia, suprême profession de foi politique du parti gibelin. Fin de la section 41.